Billy Corgan et ses Smashing Pumpkins plus en forme que jamais dans son dernier album. Beaucoup moqué, souvent décrié car le chanteur des Smashing fait ce qui lui plaît et c'est pour ça que dans Pop and Rock, sur la très locale RVR, on lui est fidèle. The pain. What would a heart yet do if not? If only one surrender at night. If only one. I've been saying goodbye forever. Soyons clairs, les Smashing nous ont réveillés dès 1991, ils nous ont ébouriffés en 93, en 95 et en 98, et ils nous ont explosés en 2000. Et depuis, malgré débat, la bande de Billy Corgan sait se faire unique, comme en 2022, avec cette double folie Atom dans laquelle se réveillait l'esprit de la citrouille avec Anno Satana. Never need Les U2 ont vieilli, ils se ramollissent, les Stones surnagent comme ils peuvent et les Red Hot Chili Peppers ne retrouvent plus leur fougue. Et pendant ce temps-là, les Smashing... We'll be right back. et même en acoustique, le Billy Corgan, il sait y faire. De Rouen et tous les mercredis soirs sur la fréquence de Ample Puy et de Rouen, vous retrouvez Pop and Rock sur la très locale RVR. Stop. Inside, enchaîné avec les Undertones, pas de soucis, vous êtes dans Pop and Rock sur RVR. Tout à l'heure, votre Pop and Rock a fait la part belle aux Smashing Pumpkins avec 5 titres enchaînés, mais Pop and Rock c'est aussi les One Shot, ces groupes pour lesquels nous n'avons flashé que sur un ou deux titres comme The Twilight Side et à l'instant The Undertone, pas eu le temps de gratter dans leurs œuvres respectives pour y trouver d'autres perles. Les catalogues du rock sont si denses que le temps nous manque pour plus gratter et chercher, mais heureusement, d'autres le font pour nous. We'll be right back. The Warlocks, c'est principalement sur RVR avec Pop and Rock. Slowly I'm going. petite triplette des Warlocks que je crois avoir tirée du même album. Cette triplette a commencé avec le génial instrumental You Stole You, et en parlant d'instrumental, fonçons vers les spécialistes, je pense au Buddha's Band. J'ai déjà dû le dire dans un ancien pop and rock, mais franchement, je le répète ce soir, le merveilleux John Metal Gray ne ferait pas tâche dans un Tarantino ou dans la bande originale d'un Peaky Blinders. Si le Quentin ou le Steven Knight écoute, à bon entendeur, hey hey, salut!